Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 25 juillet. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que c'est un succès sur toute la ligne pour l'Omnium du Saint-Prime Open. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com, Roger Caron, qui est le directeur général, explique que c'est un grand succès. C'est vraiment un succès, Danny. On a eu ce qu'on appelle notre Saint-Prime Open. Ouais. On avait 144 joueurs, ce qui est fantastique. Une très, très belle participation. Une journée, mettons, des plus agréables. Le soleil est au rendez-vous, les gens étaient de bonne humeur. On a eu que vraiment des gens satisfaits. Alors, c'était vraiment, vraiment agréable de voir ça, de vivre ça. Et je peux te dire que déjà les gens qui sont venus cette année nous ont dit, Roger, on va être de retour l'an prochain. Et on s'attend à avoir plus d'argent cette année au net que l'an passé, explique Roger Caron. Alors, je te dirais, regarde, un exemple, cette année, on avait 144 joueurs. Okay. L'an passé, il y avait 152 joueurs. Mais regarde, on aurait pu se rendre peut-être à 148, mais nous, ce qu'on voulait avoir, c'était deux quatuors par trou. Alors, à ce moment-là, on voulait pas se ramasser qu'il y ait quatre personnes qui jouent pendant 18 trous seules. Mmh. Alors, c'est pour ça que on y allait par multiple de 8. Alors, mettons un exemple, 136, 144, 152. Alors, c'est pour ça que on est à 144 et c'était vraiment fantastique pour ça. Ça a bien été et on était très contents de cette. Ligue de Balmol de Robertval hier, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans la Ligue de Balmol. Hier, le Zodiac a défait Garma 7-6, Pilote Roussel 13, Saint-Hubert 11 et le Megavac a défait Intersport 17-16. À la Balmol maintenant, il y avait également des matchs hier à la Balmol. L'attaque de Saint-Prime a défait Chipcha 7-1 et l'FC du Fjord a défait Dolbeau-Missassini 7-0. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Sabrina Lavoie qui va faire une traversée, la dernière traversée en carrière pour Sabrina Lavoie. Ce sera sa sixième. Également, je me suis entretenu aussi avec également d'autres intervenants. Roger Caron, le directeur général du club de golf, et Olivier Boudreau qui faisait partie de l'équipe d'entraîneurs de l'équipe canadienne qui a remporté le championnat du monde au senior du côté du U19 au Mexique dimanche dernier. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.